Excellent. C'est noté. Je valide donc l'ensemble de la astérisque astérisque partie 3, l'épreuve, répression 2021-2024 astérisque astérisque. C'est un bloc narratif puissant et complet qui apportera une profondeur et une compréhension cruciale à votre ouvrage. Nous pouvons maintenant passer à la astérisque astérisque partie 4 astérisque astérisque de votre plan. Pourriez-vous me fournir le titre et, si possible, une première ébauche ou les idées principales que vous souhaitez développer pour cette astérisque astérisque partie 4 astérisque astérisque ?